dans un tripot de Buenos Aires, Maurice acheta une bouteille, une vodka des plus sévères, pour oublier sa faible paye. Il engloutit presque cul sec et balança la bouteille vide sans se retourner par-dessus tête. Tradition d'un apatride, mais le verre blanc ne cassa pas. Rouli roula comme par défaut jusqu'aux abords de la Plata, entre trottoir et caniveau. La petite Sylvia Castello joua d'abord à faire flotter la bouteille vide au fil de l'eau. Radeau de verre des bas quartiers, c'est en regardant la fiole danser qu'elle eut des clics dans son cerveau. Elle écrivit un petit papier et le glissa par le goulot. Puis de la plage des récifs, elle mit la bouteille à la mer, à l'intérieur du frêle esquif, tous ses espoirs de outre-mer. Dans le courant de Benguela, le long des côtes du Brésil, la lettre fragile de Sylvia a parcouru 14 000 milles. Au cœur de la mer des Sargasses et dans la tiédeur du Gulf Stream, les mois défilent, les années passent pour la bouteille contenant les rimes, bravant les vagues et les tempêtes. Dans ce vase clos hermétique, le petit papelard a tenu tête, traversant trois fois l'Atlantique. Quatre ans plus tard, sur l'île d'Édique, le jeune Mika, sur le rivage, a découvert l'objet mythique, recouvert d'algues de coquillages. Il eut du mal à déchiffrer, mais il comprit que le message qui avait tellement bourlingué portait l'appel du vent du large. Sacré trouvaille pour ce gamin, rêvant d'ailleurs de bons voyages. Lui aussi un jour ira loin, une vieille bouteille dans ses bagages.